À Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au micro, et nous allons maintenant nous intéresser à notre esprit critique, un état d'esprit fort utile en temps de mésinformation et de désinformation. Alors, par esprit critique, il est question de biais cognitifs, comme on en a déjà parlé plusieurs fois à l'émission, mais aussi de techniques de persuasion. Ces techniques de persuasion sont utilisées par des manipulateurs qui tentent de nous faire faire des actions qu'on n'aurait pas voulu faire de prime abord, et ça peut être utile de les connaître. Et pour les découvrir, je suis en compagnie d'Anthony Bertrand-Grenier, qui fait un doctorat en épistémologie et qui a écrit un livre intitulé Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique. Bonjour Anthony. Bonjour Valérie. Alors, merci à toi de te prêter à nouveau à ces entrevues pour comprendre, pour exercer, pour développer notre esprit critique. Au fil des chroniques, on en apprend de plus en plus. Alors aujourd'hui, Anthony, on parle des techniques de persuasion. Est-ce qu'on peut dire que ces techniques de persuasion nous manipulent pour nous faire agir contre notre gré? Oui, on pourrait voir ça comme ça. Une technique de persuasion, c'est un peu forcer le comportement de quelqu'un, mais sans qu'il s'en rende vraiment compte. Et d'ailleurs, on peut tous se faire manipuler, surtout que lorsqu'on se fait manipuler, ben on se rend pas compte qu'on se fait manipuler. C'est seulement après coup que des fois qu'on peut s'en rendre compte. Mais pour différencier juste une petite chose, influencer et manipuler, influencer, c'est obtenir le comportement de quelqu'un qui aurait déjà consenti à faire le comportement. Comme quand on encourage notre enfant à un sport, vas-y, t'es capable, j'ai confiance en toi. Tandis que la manipulation, c'est surtout ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est obtenir le comportement de quelqu'un qui aurait pas nécessairement consenti à faire le comportement volontiers. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même une différence subtile là. Donc c'est que on est manipulé, on est travaillé là dans notre esprit pour faire un comportement que de prime abord on n'aurait pas fait. Exactement, C'est quand exactement. même Et c'est là que les techniques de persuasion entrent en jeu. Ah ouais, donc il y a certaines techniques de persuasion qu'on peut d'ailleurs reconnaître hein, comme technique de marketing. En lisant ton livre là, je me suis dit, ouais, mais c'est comme ça qu'ils font les vendeurs finalement. Donc par exemple, parmi ces techniques, il y a le changement intérieur ou le leurre. Donc ça, c'est les noms parce que chaque technique a un nom. Donc le changement intérieur et le leurre. Peux-tu nous Oui, expliquer ces deux techniques? absolument. En fait, c'est ça. Il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus pour les tester et ils ont effectivement des noms. Donc, par exemple, le changement intérieur, c'est de travailler fort sur une offre qui nous semble alléchante, mais juste avant la décision finale, bien, le persuadeur, le manipulateur, il redresse le tir pour produire une offre moins alléchante. Comme par exemple, si on veut acheter une voiture, on fait des essais routiers, on s'informe, on fait des efforts et on avait vu le prix de 19 000 $, on se dit que c'est super, mais rendu à la signature directe finale, le vendeur nous dit qu'elle est à 21 000 $ et non 19 000. Et là, il nous dit, ah, mais ça, c'était le prix il y a un mois, je ne peux plus vous faire ce prix-là. Mais là, on a fait des efforts et on est au moment de signer. Donc, il y a des gens qui, effectivement, ils vont signer à 21 000 pour se dire, bon, 2 000 de plus. Etc. Mais en fait, il nous a eu, le vendeur nous a eu. Là. On a travaillé fort sur une offre qui semblait alléchante, mais finalement, était moins alléchante que ça. Pour C'est ce qui est ça. du leurre, c'est d'offrir un avantage pour inciter un comportement. Et une fois que le comportement est fait, l'avantage n'existe plus. Il y a beaucoup de vendeurs ou de publicités qui vont nous annoncer des rabais fantastiques. On se déplace à la boutique, puis au final, le rabais n'existe plus. Ou, par exemple, des fois, on voit des pancartes jusqu'à 70 % de rabais. Mais il y a un morceau de linge qui a 70 % de rabais et que personne ne veut. Et le reste du magasin a des 5 %, 10 %. Mais vu qu'on s'est déplacé, ça nous a attirés. On ne veut pas nécessairement repartir les mains vides. Donc, on va acheter autre chose dans le magasin. Mais le magasin a eu ce qu'il voulait. Il voulait nous faire venir pour nous faire acheter. Ça c'est intéressant parce que en fait ça me rappelle aussi un petit peu un certain biais cognitif dont tu nous avais déjà parlé, celui je sais plus quel nom il porte, mais quand on commence par exemple on commence à regarder un film, ça nous intéresse pas mais on continue de le regarder parce qu'on a déjà investi dedans, on se dit bon ça va Oui, peut-être le coup, les coûts et là c'est un petit peu irrécupérables. pareil. Des coûts irrécupérables, c'est ça. Donc là, c'est pareil, on s'est déplacé au magasin, on a déjà fait une partie de l'action, donc on va pas s'arrêter en cours de route, on veut rentabiliser cette cette action. Et donc, on C'est a tué. exactement ça. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. On peut voir ça avec le biais des coûts irrécupérables. On se dit, on a fait des efforts et là, non, on va continuer et on va quand même acheter quelque chose qu'on veut moins ou qui est moins alléchant. Ouais, ça se mêle, ça se combine un petit peu. Alors, il y a un autre aussi, un autre, il y a aussi le principe de rareté ou la perception contrastée. Puis là, le principe de rareté, c'est sûr qu'on y fait tous, on se laisse tous avoir avec ça. Ah oui. Quand on voit quantité limitée, en exclusivité, dernière formation, c'est comme une pression sociale qui nous fait dire qu'il y a comme une urgence d'acheter ou de consommer. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Tu sais, quand un vendeur nous dit, ah, c'est notre dernier, il n'y en a plus après. Mais c'est comme si on a l'impression qu'il faut l'acheter tout de suite, sinon ça ne sera plus disponible. Alors que, je veux dire, il y en a tout le temps des choses disponibles et au pire, on va pouvoir peut-être en commander d'autres ou peu importe qu'est-ce que c'est. Mais des opportunités, il y en a tout le temps. Mais c'est comme si ces rabais temporaires, on a l'impression que c'est un principe de rareté ou d'urgence. On se dit, ah, il faut le faire. Pour ma part, à chaque année, il y a des arnaqueurs qui viennent pour tenter de refaire mon asphalte d'entrée en me disant, hey, là, on Oui. passe par là, on a Oui. fait 4 heures de route, donc là, c'est seulement bon maintenant. Si vous ne le prenez pas maintenant, on s'en va. Je dis, ben, allez-vous-en, mais ils reviennent à chaque année. Donc, Ouais. C'est vrai, c'est un bon exemple, ça aussi, hein, les acheteurs passent tout le temps. pour ce qui est de la perception contrastée, c'est voir la distinction entre deux choses où la deuxième est plus différente qu'elle l'est en réalité. Je vais donner un exemple. Si on voit une paire de chaussures à 80 $, ben on peut être hésitant à l'acheter. Mais si on vient d'acheter un habit à 700 $ et là le vendeur nous propose une paire de chaussures à 80 $, ben là on va être plus porté à l'acheter parce qu'on vient déjà de dépenser 700 $. Donc on se dit ah, 80 $ de plus, c'est pas si pire. Ou je parlais de l'exemple de la voiture tantôt. Si on a acheté une voiture par exemple à 40 000 $ et là le vendeur nous dit, ah, vous avez des pneus d'hiver à 1 200. Ben, on se dit, ah, 1 200 de plus. Mais c'est toutes ces petites choses-là de plus que le vendeur est content de nous avoir vendu alors que nous-mêmes, on s'est fait un peu avoir parce est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Un autre exemple qui n'est pas nécessairement au niveau du prix, c'est quand on fait une visite de maison ou de bloc appartement pour louer, peu importe, ben, l'exemple va être mieux avec une maison. Un courtier qui nous montre une maison affreuse et ensuite une belle maison. Ben, la belle maison va nous sembler beaucoup plus belle, étant donné qu'on a vu une maison affreuse avant, donc on va être plus enclin à l'acheter. Mais le courtier est content, lui, si on lui fait une offre, il va être capable de la vendre, là, donc. Alors que peut-être que si on avait vu la entre guillemets belle maison sans avoir vu la moche, ben on l'aurait pas trouvée si belle que ça si on avait vu que Exactement, celle-là. tout à Mais fait. par contraste, parce qu'on a vu une moche maison avant, ben c'est ah oui, donc Et on c'est peut exactement ça. avoir. C'est des techniques Assez. de persuasion, de vente qui nous aident à en Ah ouais. faire. Ah, puis on est tous finalement face à ces techniques de persuasion dans les magasins, sur les sites d'achat en ligne. Hein, c'est toujours le dernier exemplaire qui reste, hein, qui est Ouais. en stock. Ou quand on veut prendre un billet d'avion, comme par hasard, il reste plus que 2 places dans le vol qui nous intéresse. Donc Ouais. on retrouve, on a tous plus ou moins fait face à ces techniques dans des activités quand on magasine. Mais est-ce qu'on retrouve ces techniques de persuasion dans d'autres contextes que le magasinage? Absolument, ça peut être en famille, entre amis ou entre collègues de travail. Des fois, on peut utiliser des techniques de persuasion sans nécessairement s'en rendre compte, là. Donc, il faut faire attention pour dire que c'est pas nécessairement avec une mauvaise intention. Mais bon, là, ceux que je parle, c'est très souvent avec peut-être une mauvaise intention, ou du moins certains vendeurs ont été formés comme ça. Mais par exemple, un collègue nous demande si on peut faire un travail à sa place. Le travail n'a pas l'air si pire, donc là, on accepte. Et une fois qu'on a accepté de faire le travail, là, notre collègue, il nous dit, ah, c'est à remettre demain matin 8 heures. Ça, c'est une technique de persuasion qui s'appelle l'amorçage. On accepte une requête et une fois la requête acceptée, là, la personne nous dit les inconvénients. Mais en fait, s'il nous avait dit que c'était à remettre demain matin 8 heures, on ne l'aurait peut-être pas accepté. Donc, c'est pour ça qu'il ne nous a pas toutes donné les informations. Ah oui. Et là, on sent mal de revenir pour dire, ah non, finalement, je ne le ferai pas. Donc, il y en a qui on va accepter de le faire pareil. Un autre exemple, un ami nous demande d'aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Là, bon, OK, c'est un bon ami, c'est beau, on accepte. Mais une fois accepté, il nous dit qu'on doit aller chercher la personne à 3 heures du matin. Ah! Oh, c'est comme si il nous dit, ah, je vais le faire accepter, mais je ne vais pas tout lui dire. Puis des fois, notre cerveau, il peut faire en sorte qu'on ne le Ouais. fait pas avec une mauvaise intention, mais en tout cas, pour celui-là, c'est peut-être une petite mauvaise intention quand même. Mais aussi, les techniques de persuasion, ils sont utilisés par les organismes pour faire des dons, par les restaurants, par les compagnies qui nous appellent pour des sondages. Les restaurants, par exemple, ils nous offrent des échantillons gratuits pour qu'on aille manger à cet endroit-là. Je dis restaurant, mais ça peut être des ventes de produits dans des supermarchés. Ouais. Ça, c'est la règle de réciprocité. Et ce que c'est que lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, on va avoir l'impression d'avoir une dette et on va vouloir lui donner quelque chose en retour. Si quelqu'un nous invite à souper, ben on va sentir un peu mal de ne pas le réinviter à souper après. Donc, on va le réinviter un petit peu. C'est ça, cette règle de réciprocité-là. C'est comme si on avait je ne vais pas dire un karma intérieur, mais c'est comme si on voudrait redonner à quelqu'un qui nous donne quelque chose. Donc, c'est pour ça que, par exemple, des organismes qui font des dons, ils vont nous envoyer des t-shirts, du linge, des stylos par la poste. Fait que là, on se sent mal. Ah, ben là, je vais faire un don, mais leur but, c'était justement qu'on fasse un don. Donc, c'est la règle de réciprocité. Et aussi, malheureusement, il y a des techniques de persuasion qui sont beaucoup utilisées pour recruter dans des sectes ou pour des ventes pyramidales. Puis là, on parle de plein de techniques de persuasion, mais les manipulateurs n'ont pas besoin de se dire, ah, aujourd'hui, je vais utiliser telle technique de manipulation. Non, ils peuvent faire des combinaisons. T'sais, toutes celles qu'on vient de parler, ils peuvent en utiliser plein pour augmenter leurs chances de succès, ce qui est assez dangereux quand on y pense, là. Donc. Ouais, parce qu'on voit que déjà une, c'est efficace, alors si on les combine ensemble, ça va être très, très efficace. Oui, Ouais. Donc, exactement. il y a aussi des techniques de persuasion que je trouve un peu plus insidieuses parce que elles s'apparentent à de la flatterie, donc ça, c'est un petit peu insidieux, ou alors à des formes de politesse. Donc, il y a par exemple l'étiquetage. Oui, donc les enfants sont bons là-dedans. Ah, le meilleur papa du monde, est-ce que tu peux m'acheter une tablette de chocolat? Bon, si j'y achète pas la tablette, je suis pas le meilleur papa du monde. Donc, c'est une petite flatterie. Mais l'enfant, il fait pas nécessairement ça volontairement, mais s'il apprend comme ça, ben, il peut le faire. Ou par exemple, je parlais de collègue de travail. Ah, le meilleur collègue de travail, est-ce que tu peux m'amener un café? Et là, évidemment, quand il nous dit le meilleur collègue de travail, on a l'impression de ah, OK, je vais t'en amener un. Mais c'est une technique de persuasion. Ah, c'est vrai, hein, on s'en rend pas forcément compte. Hein. Non, non, non, non, la manipulation, on s'en Ah, rend c'est pas ça. nécessairement compte. Dans le même round, dans le même genre, il y a une technique qui porte un drôle de nom, le pied dans la bouche. Oui, c'est vrai que c'est un drôle de nom. C'est simplement pour introduire une formule de politesse. Comment allez-vous? Puis en nous demandant ça, tout le monde va répondre bien, même si on ne va pas nécessairement bien. Ça peut sembler être anodin, mais ça augmente vraiment les chances de succès. Ce n'est pas pour rien que les organismes ou les compagnies qui nous appellent pour nous vendre quelque chose, ils vont commencer en nous disant « Comment allez-vous? » Et là, on va répondre bien. « Ah, oh, voulez-vous répondre à un sondage? » Et on est plus enclin à vouloir répondre au sondage parce qu'on a répondu bien. C'est Ah étrange, oui. mais oui, et oui. Ah oui, parce qu'on a déjà dit quelque chose de quand même globalement positif, en disant qu'on C'est est ça. bien, bah ça nous met sur une voie positive et donc on ah c'est Tout à bizarre fait. hein, comment le cerveau Oui. fonctionne. Et puis on doit aussi parler de la technique du libre choix. Ah, Celle-là aussi, c'est curieux, hein. celle-là, j'en reviens pas. Je tiens juste à dire, toutes celles qu'on mentionne aujourd'hui sont toutes montrées par des études scientifiques, mais celle-là, il faut que je mentionne un peu l'étude, là. J'en reviens toujours pas, c'est que celle-là, c'est si on affirme à une personne qu'elle est libre d'accepter ou non la requête qu'on lui demande, elle sera plus encline à l'accepter. Une des études, c'est il y a quelqu'un qui demandait de la monnaie, par exemple, pour prendre l'autobus. Si la personne demandait, avez-vous un peu de monnaie pour prendre l'autobus? Ben, il y a environ une personne sur 10 qui acceptait de lui donner de l'argent. Mais si la personne demandait, avez-vous un peu de monnaie pour prendre l'autobus, mais vous êtes libre de m'en donner ou non? Juste le fait d'ajouter, mais vous êtes libre de m'en donner ou non, ben, une personne sur deux acceptait, soit 5 fois plus de Ah chances de oui. succès. Donc, le fait de dire aux gens qui sont libres de ce qu'ils veulent les renforce à accepter la requête. Et c'est pour n'importe quelle requête, là. Hey, voudrais-tu venir me chercher au centre-ville ce soir? Mais t'es pas obligé, c'est pour toi. Ben, il y a plus de chances que la personne accepte de venir nous chercher au centre-ville. Le fait d'ajouter, t'es pas obligé, c'est pour toi. Ah, c'est ça, parce Celle-là, qu'on j'en sent reviens. pas, on sent pas, dans ce cas-là, si on nous dit qu'on a le choix, on se sent pas, on n'a pas l'impression qu'on nous tord le bras. Donc, Exactement. Et pourtant, ça augmente les chances de c'est succès. ça, c'est vraiment paradoxal, c'est vraiment très curieux ça. Oui. Alors, en fait, il y en a toutes sortes, hein, des techniques de persuasion. On va pas nécessairement toutes les utiliser numériques, mais donc j'aimerais qu'on explore davantage ensemble le couplage entre le biais cognitif et la technique de persuasion. On en a vu un petit exemple tout à l'heure, mais est-ce que certaines de ces techniques de persuasion utilisent les biais cognitifs? On en a vu juste un exemple tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a davantage? Est-ce que c'est plus généralisé que ça? Oui, c'est tout à fait. On a des centaines de biais cognitifs et les manipulateurs peuvent les utiliser contre nous. Donc, je vais donner quelques exemples. L'effet Barnum, c'est un biais cognitif qui est utilisé pour nous complimenter, mais ce serait par exemple dans ce cas-ci une technique de persuasion, c'est pour nous vendre quelque chose. Donc, quelqu'un qui nous dit, ah, tu es quelqu'un qui a beaucoup de projets que tu aimerais faire, les gens que tu aimes comptent beaucoup pour toi. Donc, il nous flatte. On peut voir ça un peu comme une technique de persuasion de la flatterie, mais c'est des phrases en fait qui s'adressent à tout le monde. Et le fait de nous complimenter, même si ça s'adresse à tout le monde, ça peut nous encourager à acheter le produit qu'ils essayent de nous vendre. Un autre exemple, on en a vu un petit peu un exemple, mais le biais cognitif des suppressions de données pertinentes, ce que ça dit, c'est que le persuadeur ou le manipulateur, il va éviter de nous mentionner certaines choses. Par exemple, un vendeur, il peut nous annoncer le prix d'un produit sans mentionner les taxes, sans mentionner un coût de transport ou un délai de livraison extrême. Puis, une fois qu'on est prêt à passer la commande, bien, c'est là que les coûts supplémentaires surviennent, alors qu'on a travaillé fort pour magasiner le produit. Mais là, nous, on ne le savait pas qu'il n'y avait pas ces données-là, ou par exemple, si on achète un produit puis on se rend compte, ah, il y a 6 mois de livraison, mais ben peut-être qu'on n'aurait pas acheté le produit si. Et on a déjà signé, on a déjà payé, on a déjà fait. Ah, donc ça, c'est la suppression de données pertinentes. Un autre exemple, le biais d'ancrage, c'est lorsqu'on nous mentionne un nombre, ben on va être porté à aller vers ce nombre. Admettons que je sois un vendeur dans une boutique et je vous propose un bijou à vendre. Donc, je vous mentionne que le bijou, il coûte 400 $. Puis, ensuite, la personne nous demande, ben, combien pensez-vous que le bijou coûte? Tu sais, là, je suis peut-être mal exprimé, là, mais admettons, je vous dis qu'il coûte 400 $, mais selon vous, combien seriez-vous prêt à payer pour ce bijou-là? Donc, étant donné que je vous ai mentionné 400 $, on peut être influencé par l'information et donner un prix plus proche, comme par exemple 350 $. Mais le nombre initial, ça nous force un ancrage. C'est-à-dire que celui qui nous. Le nombre mentionné au départ, même s'il est exagéré, il va faire en sorte qu'on va être porté vers cette valeur-là. Ça fonctionne bien pour la vente de maison. Une maison qui coûte, par exemple, le prix de, je ne sais pas, 1 million de dollars, mais là, on se dit, ah ouais, je serais peut-être prêt à mettre 850 000 dessus, alors que la maison coûte 350 000. Mais le fait d'amener cette maison-là au prix d'un million, c'est même si c'est exagéré, les gens vont être portés à aller pas loin vers ce nombre. Puis aussi, plus le nombre est précis, plus l'ancrage est fort. C'est pas pour rien que toutes les boutiques vendent des produits à 49 et 99 parce qu'on a l'impression que 49 et 99, c'est beaucoup plus proche du vrai prix que 50 $, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est bizarre, ouais. C'est marrant parce que le 49,99, moi j'ai toujours interprété ça comme étant, c'est pour nous faire croire que c'est pas 50 $. C'est Oh. 49. C'est C'est 40. 49, oui, C'est 40. exact. 49, c'est 40. C'est pas 50. Alors que c'est juste un cent C'est d'écart. juste exactement, exactement. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y en a quand même beaucoup, hein, des biais d'ancrage, et bon, ça s'ajoute pas des biais d'ancrage, des techniques de persuasion, ça s'ajoute aux biais cognitifs, ça s'ajoute aussi aux arguments fallacieux, donc dont on Tout n'a à pas fait. encore parlé, On bon, n'a pas encore parler parlé, oui. une autre fois, peut-être. Donc, Oui. toutes ces techniques-là, finalement, nous jouent des tours. Oui, en fait, ce que je dirais, c'est que je vais faire un petit rappel. C'est très possible, c'est ça, qu'un vendeur utilise beaucoup de techniques de persuasion pour augmenter ses chances de succès. Et je dirais à nos auditeurs, c'est que le plus important, mais dans le fond, c'est évidemment, alors, je ne vous ai pas mentionné les techniques de persuasion pour que vous les utilisiez, mais c'est plutôt pour les reconnaître, pour mieux les déjouer. Parce que Voilà. là, quand vous allez quand vous allez voir ces techniques-là, que la personne a une bonne intention ou non, là, vous allez les reconnaître et là, vous allez faire, oh, attendez, là, là, On arrête tout, je ne vais pas signer la requête, je ne vais pas acheter, je vais y réfléchir encore et vérifier si j'ai vraiment besoin du produit, si j'ai vraiment besoin d'acheter, de Il y a, consommer. ouais. Ou, Ou s'il n'y a ça pas peut... des informations manquantes. Exactement, bien s'informer, c'est quoi le délai de livraison, est-ce que les taxes sont mises là-dessus? Je vous dirais, c'est ça, essayez de prendre le plus d'informations possible et en connaissant certaines techniques de persuasion, ben là, vous allez déjà être un petit peu plus enclin à, disons, à être plus méfiant à l'égard de la manipulation, si je pourrais dire. Il se méfiait aussi quand quelqu'un nous interpelle, oh ma sœur préférée, ou Ouais. se méfier aussi qu'il va y avoir peut-être une requête derrière, ou Oh oui, absolument. Ça, c'est évident. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'arguments fallacieux, mais on peut faire des combinaisons de biais cognitifs, techniques de persuasion, ouais. arguments fallacieux. Et là, on peut tomber totalement manipulé. Ouais. C'est quand même assez fascinant comme recherche. Oui. Et donc, en fait, on a l'impression que c'est facile comme ça, mais en fait, il y a quand même des études scientifiques là. Toi, dans Oui. ton doctorat, tu étudies ces Oui. sujets-là. Oui. Donc, il y a des gens des gens, je sais pas, en sciences cognitives ou en psychologie, je sais pas, qui étudient ces phénomènes-là. Tout à fait, tout à fait. Et même, je peux même en ajouter une autre que peut-être c'est celle qu'on se rend peut-être moins compte qu'on peut utiliser. Ça s'appelle rejet puis modération ou rejet-retrait. On formule une requête trop importante pour qu'elle soit acceptée pour ensuite formuler une requête moins importante pour qu'elle soit plus facilement acceptée. Ah Donc, par oui. exemple, si vous voulez aller en camping pendant une fin de semaine, mais vous savez que votre partenaire ne voudra pas y aller, bien, vous dites, hey, est-ce qu'on va en camping pendant 2 semaines? Ah, 2 semaines? Non, non, j'irai certainement pas. OK, une fin de semaine d'abord. Ah, une fin de semaine, je vais y aller. Mais en fait, vous vouliez juste y aller une fin de semaine. Donc, c'est une technique de persuasion de forcer la main pour quelque chose vraiment fort. Et au final, on revient à quelque chose de plus modéré. Il y a beaucoup de syndicats qui font ça. Ils vont Voilà. faire des demandes extrêmes au boss, ou on appelle ça comme on veut, pour justement qu'ils aient un petit peu moins. Mais au final, ils voulaient un petit peu moins. Donc, ça, c'est un autre exemple de technique de persuasion qui peut être utilisée à plein d'essieux. Un autre exemple de cette technique-là, c'est Hey, tu es capable de faire des sites web? Est-ce que tu pourrais faire un site web complet pour notre association étudiante? Ce serait à faire pour la semaine prochaine. Là, la personne dit, un site web complet pour la semaine prochaine, je ne serais pas capable de faire ça. Et là, on dit, ah, excuse-moi, c'était pas un site web complet, c'est seulement un petit logo d'association. Là, ah, un logo, oui, je vais accepter. Donc, au final, on voulait juste faire le logo, mais on lui a demandé de faire un site web complet et on a diminué pour faire tout simplement un petit logo. Donc, c'est une technique de persuasion qui est aussi utilisée. Et je dirais, pour ce qui est de la manipulation, c'est plus facile manipuler quelqu'un que de le convaincre qu'il a été manipulé. Ah, ça c'est vraiment drôle aussi, Ça, c'est spécial. Donc, c'est Bah, clair parce que... que reconnaître qu'on a été manipulé, c'est Eh gênant pour oui! l'ego quand même. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Et là, évidemment, je parle aussi pour moi, là. Je veux dire, c'est pas, on, je ne suis pas à l'abri, même si j'y connais, là. C'est ça, exactement, parce que souvent ça c'est si à brûle-pourpoint, hein, ça nous arrive comme ça, on prend pas forcément le temps d'y réfléchir. Là, c'est instantané, c'est des événements souvent instantanés auxquels on n'a pas forcément le temps de bien Non. réfléchir. Mais en lisant ou en écoutant parler, ça peut nous aviser de certaines situations après coup pour pouvoir ensuite y faire plus attention la prochaine fois qu'elles vont se reproduire. Tout à fait, tout C'est à ça fait, tout le à fait. Truc. Voilà. Oui. Alors voilà qui va nous faire réfléchir lors de nos prochains achats ou lorsque quelqu'un nous fera une requête. Et pour en savoir plus, eh bien, j'encourage à se plonger dans ce livre, donc Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique. C'est vraiment plein d'exemples et plein de situations qui nous en apprennent en fait sur notre comportement ou sur nos interactions. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Anthony. Merci Valérie. Alors, nous étions en compagnie d'Anthony Bertrand Grenier, qui est docteur en physique médicale, mais qui réalise en ce moment un deuxième doctorat, donc en épistémologie, donc sur tous ces sujets de fonctionnement cognitif. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. Et c'est maintenant l'heure de retrouver Calypso le Moine qui va vous accompagner avec En aparté sur CKRL 89.1. Sont des portes d'église où j'entre le matin, le chapeau à la main. T'es la voix Louise, penses-tu ce qu'elles me disent? Ou c'est du caraco, le rubis d'un mégot? Après tout, peu importe où j'allume ma clope, au premier feu du jour ou aux foudres de l'amour. Si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise, sur tes lèvres, Louise, les miennes sont assises. Je ne décolle plus les fesses de ce banc de messe. Tes lèvres, Louise, crois-tu ce qu'elles me disent? Ou cette basilique est un kiosque à musique? Après tout, peu importe où j'allume ma clope. Si ce n'est pas l'amour, ce sont les alentours. Si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise. Ta lettre, Louise, est arrivée tantôt. De tes lèvres cerises, elle porte le sceau. Tes lèvres, Louise, me donne congé. Ma rage s'épuise sur mes ongles rongés. Paris te contient et je suis jaloux comme un chien. Je reviens gratter à ta porte. Tes lèvres sont closes, Louise, tu m'envoies sur les roses. Dis-moi quelque chose, rien. Louise, je ne veux plus que tu passes la nuit en bas de l'avenue sous un parapluie.